FAI, FAI. Commence par deux regards, j'avance et de pas à pas. Elle est si jolie bonne, je te jure que je veux juste la ken. Elle me dit qu'elle m'aime et moi je disais de même. Oh, je suis rentré dans ce cœur sans me rendre compte sans le savoir. Elle m'envoie des textos, des cadeaux tous les jours. Elle me regarde le sourire avec un air amoureux. Et moi quoi faire, je ne veux pas la blesser mais je l'aime pas. À quelle histoire, triste des réalités. Je suis rentré dans son cœur sans savoir, je te jure que je déconnais. Oh baby, je disais que je l'aimais. Baby, excuse-moi, mais je t'aime pas. Je suis rentré dans son cœur sans savoir. Je te jure que je déconnais. Oh baby, je disais que je l'aimais. Juste pour qu'elle, baby, excuse-moi, mais je t'aime pas. Si l'étoile cache un plus beau paysage, c'est-à-dire que je te laisse un ciel bleu sans nuages. Ce message gravé en ta mémoire, mes appels de tous les jours. En réalité, faut que tu saches que je t'aime pas. Ne sois pas fâché contre moi, c'était juste que l'amitié. J'étais profité, car ton corps me faisait toujours rêver. Pour moi, me sentir roi, je te nomme la reine de la baisse. Je sais que tu pensais au bon moment qu'on a passé. J'ai déconné, je suis rentré dans ton cœur sans le savoir, je te disais que je t'aimais. Excuse-moi, je t'aime pas. Je suis rentré dans son cœur sans savoir, je te jure que je déconnais. Oh baby, je disais que je l'aimais. Juste pour qu'elle, baby, excuse-moi, mais je t'aime pas. Je suis rentré dans son cœur sans savoir, je te jure que je déconnais. Oh baby, je disais que je l'aimais. Juste pour qu'elle, baby, excuse-moi, mais je t'aime pas. Son cœur sans savoir, je te jure que je déconnais. Oh baby, je disais que je l'aimais. Juste pour qu'elle, baby, excuse-moi, mais je t'aime pas. Je suis rentré dans son cœur sans savoir, je te jure que je déconnais. Oh baby, je disais que je l'aimais. Juste pour qu'elle, baby, excuse-moi, mais je t'aime pas. Sans savoir. Oh baby. Je t'aime pas.